Sinistre ronde nous assourdit de cris inquiétants. Non loin dans la pénombre, le sifflement des ombres jette un manteau de peur et pourtant je sais. Société qui semble inexorablement sur le déclin. Chaque jour qui commence, la vie perd de son sens et l'on approche un peu de la fin. Je sais une protection magique. Jette